Peut faire une pause. De préférence, je m'arrête sur le parking de gauche, réponse A. Sur le parking à 300 mètres, réponse B.